Non, non, mais je fais qu'un de mes amis. Il me dit, hey, Butch, on va te présenter des blondes, là. Celle-là, qu'est-ce que t'en penses? Ah, non, elle, non, ça me tombe pas. Elle est trop lette, si tu je l'aime pas. Non, elle, c'est une fatigante, c'est une castrante, je dirais. Elle, franchement, c'est une folle. T'écoutes-tu, t'es donc bien dur, Butch. T'es donc bien tough. Là, il passe une fille en string, un pétard, les seins nus, elle sort de ma chambre. T'es rendu dans un film porno, quasiment. Mais là, le gars, il est en bobette dans cette histoire-là. Là, mais il y a elle, les gars. Avec un beau rire de main, tu sais. C'est sûr que ça répond. C'est sûr toutes les filles auraient trouvé ça drôle. T'sais, auraient trouvé ça bien, bien le fun. Je constate que l'image de l'homme, honnêtement, dans les pubs, c'est souvent un innocent. C'est souvent, il n'y a pas de cerveau. C'est souvent lui le cas. Il y en a un autre, là. J'aurais pu en faire un autre. Il y a un gars, là, il est innocent dans sa pub-là. Là. Vraiment. Tous les rôles d'innocent en TV, c'est des hommes. Benoît, le gars des fromages, le trouve super drôle, cette pub-là. C'est le gars qui mêle toutes les sortes de fromages, les villes. C'est un innocent. Tu pourrais pas avoir l'inverse. Le gars, il est super brillant, puis la fille est innocente. Elle se mêle une petite niaiseuse. Hey, ça reste scandale que c'est ça, une petite niaiseuse. Et que... Lui, Benoît, c'est un épais, mais la fille à côté, sa blonde, est brillante. C'est correct. C'est un pattern. Mais ça marche, le pire. Il y en a un autre pattern. C'est comme le pattern de la violence conjugale. Même si on sait que c'est 50-50, tous les pubs à la TV, c'est le gars qui bat sa femme. Tu verras jamais l'inverse. Le gars a le mauvais rôle dans la pub. En général, dans notre imaginaire collectif. Je sais pas, ça rentre dans la tête des petits gars. Je sais pas, ça peut avoir de l'impact à un moment donné, que c'est tout le temps. Je le sais pas.